en septembre 1899, tandis que les travaux de construction de l'actuel hôtel de ville de Versailles effaçaient à jamais la trace physique de l'ancien hôtel de Conti, Alphonse Bertrand, dans un article paru dans le Versailles Illustré, s'émut de la disparition récente de la galerie, qui fut non seulement l'ornement de cette belle résidence, mais aussi le lieu dans lequel la princesse douairière Marianne de Bourbon-Conti avait fait installer un théâtre particulier au tournant des années 1700 pour y donner des représentations lyriques et théâtrales. On s'attachera ici à évoquer l'activité artistique attachée à cette maison de ville et à la personnalité de la princesse de Conti, et vous le verrez, ma communication entrera en résonance avec celle de Don Fader entendue ce matin. Alors l'hôtel qui prit le nom de Conti à partir de 1683 avait été élevé sur les plans du jeune Jules Hardouin Mansart une dizaine d'années plus tôt pour le maréchal de Bellefond, alors maître d'hôtel du roi. Originellement situé à l'arrière de l'hôtel de Noailles, lequel fut par la suite absorbé par la petite écurie, l'hôtel se composait d'un corps de logis rectangulaire d'un seul étage entre cour d'honneur et jardin, en parfaite symétrie avec celui de Chaulnes, l'hôtel de Chaulnes situé de l'autre côté de l'avenue de Paris et qui devint plus tard l'hôtel du Grand Veneur. D'abord donc propriété du maréchal de Bellefond, l'hôtel passa ensuite au duc de Lorraine avant que celui-ci ne le revende en juin 1682 à Louis XIV, qui en fit don à son fils légitimé Louis, comte de Vermandois. Après le décès de ce dernier en novembre 83, durant le siège de Courtrai, c'est sa sœur, Marianne, mademoiselle de Blois, devenue princesse de Conti par son mariage en janvier 1680 avec Louis-Armand de Bourbon, qui hérita de l'hôtel auquel elle attacha son nom. Toutefois, en ces premières années de l'établissement de la cour à Versailles, Marianne semble s'être davantage fixée dans le magnifique appartement que son père lui avait également attribué au rez-de-chaussée de l'aile du Midi et dont elle bénéficia jusqu'en 1715. Âgée de 17 ans, la fille chérie du roi et de Madame de la Vallière passait pour l'un des plus beaux ornements de la cour et ses nombreuses participations aux bals, ballets et mascarades furent très tôt le moyen pour elle d'assouvir sa passion pour la danse, autant qu'elles permirent à Louis XIV de promouvoir le rapprochement de ses deux familles, celle du devoir et de la tradition incarnée par la figure du dauphin, celle du plaisir dont ses enfants légitimés étaient des fruits. On n'énumérera pas ici les rôles les plus variés qu'elle endossa, tour à tour nymphe, bohémienne ou reine d'Égypte, comme ici lors d'une mascarade donnée dans l'appartement du duc d'Enghien en mars 83 et dont le maire Kurgalan conserve un souvenir gravé. C'est au cours de ce carnaval que le vieux Bourdelot fut émerveillé par la grâce de la princesse qu'il vit danser en compagnie de mademoiselle de Laval et dont il compara l'agilité de leur corps à un vol d'oiseau. Sa discrétion est assez sensuelle de la part d'un vieux monsieur qui, dit-il, ne tient plus sur ses jambes et a besoin de s'appuyer sur un bâton. En janvier 1689, c'est ce même sentiment d'admiration que La Fontaine devait exprimer, mais cette fois en vers, après qu'il fut saisi par la beauté aérienne de Marianne dansant à Trianon, la troisième entrée du ballet de Flore. Lorsque le poète composa ce bel hommage, Marianne portait déjà depuis 4 ans le titre de princesse douairière, le frêle Louis-Armand de Conti ayant été emporté par la petite Vérole en novembre 1685. Le temps du deuil était passé et Marianne ne devait être ni une veuve tragique ni dévote. Libérée du joug conjugal, telle Célimène, l'amante du misanthrope de Molière, à laquelle a pu attribuer cette image à laquelle Christian Biette a pu attribuer la figure de Marianne, elle devait vivre sans mari ni couvent, négociant ainsi l'espace de liberté que lui donnait son statut jusque dans ses années de vieillesse. Mais l'année 1689 fut aussi pour Marianne l'année de publication du livre de pièces de clavecin de Jean-Henri d'Anglebert, qui est donc dédié à Marianne, et dont la dédicace forme autant un hommage à ses aptitudes précoces pour la musique qu'à la sûreté de ses goûts au moment où elle atteignait l'âge adulte. Les années 1690 marqueront de ce point de vue un jalon dans la vie de la princesse douairière, car si on associe sa beauté juvénile à quelques aimables créatures, c'est au pas du siècle finissant que sa véritable stature, associée à la figure de Vénus, puis à celle de l'aurore, annonciatrice d'un règne à venir, tentera de s'imposer. Il est assez significatif de relever que la première réception organisée par Marianne dans sa maison de ville, le 18 novembre 1690, fut pour Monseigneur, son demi-frère, lequel dîna et puis alla passer l'après-midi avec elle dans son pavillon, qu'elle faisait fort accommoder. D'Angeau fait ici allusion au charmant pavillon des bains que Marianne venait nouvellement de faire construire en bordure de l'avenue de Sceaux et dont seul le superbe plafond par Bérin ou Claude III Audran a été conservé. Au printemps suivant, ces travaux, comme ceux entrepris pour l'embellissement des jardins, devaient être suffisamment avancés pour que le roi lui-même aille à la maison de Madame la princesse de Conti, où il se promena fort et il eut une grande collation. Monseigneur en faisait les honneurs avec la princesse. Mais c'est au tournant du siècle que l'hôtel de Conti apparaît comme l'un des principaux foyers de sociabilité et de culture dans la cartographie de la cour. Au soir du 15 mai 1698, c'est là que se fit le mariage du cousin de la princesse, Charles-François de la Baume-le-Blanc, avec Marie-Thérèse de Noailles. En guise de cadeau de mariage, Marianne s'était défaite de son duché de la Vallière, hérité de sa mère, au profit du jeune marquis qui devait en prendre le nom et surtout entrer en jouissance de ses revenus, sans porter pour autant le titre de duc. Cette union devait par ailleurs constituer un point de rencontre entre le puissant clan des Noailles, proche de Madame de Maintenon, et le cercle du Dauphin, au sein duquel les Lavallière, grâce à Marianne, devaient occuper une place privilégiée. La cérémonie nuptiale débuta par un cortège qui partit du château, où Monseigneur avait fait l'honneur à sa demi-sœur de venir la prendre dans son carrosse pour l'amener jusqu'à son hôtel. Les fiançailles, célébrées dans la chapelle domestique, furent suivies d'un repas servi dans les 7 pièces qui formaient l'appartement de réception. Puis la musique, qui était préparée dans la galerie, commença et dura jusqu'à près de minuit. C'est à cette heure-là que la compagnie quitta l'hôtel, rejoignit l'église paroissiale pour aller célébrer le mariage. Le lendemain se passa en compliments de toute la cour venue saluer les mariés chez la princesse. Si l'on s'en tient à la lecture du Mercure, ces fêtes nuptiales donnèrent pour la première fois à Marianne l'occasion d'accueillir de la musique dans sa maison de ville. Nous n'en savons malheureusement pas plus sur la réalité de cette musique entendue dans la galerie, par qui, comment avait-elle été préparée, nous aimerions bien le savoir. En 1698, Marianne affichait un goût prononcé pour un art musical teinté d'italianisme et qui devait se révéler pour elle durable. Au soir du 1er février 1704, le marquis de Dangeau relèvera encore la tenue chez elle d'une fort jolie musique de voix française et de chanteurs italiens de M. le duc d'Orléans qui avait amené toute sa musique. 8 ans plus tôt, en 1696, elle avait été la dédicataire du livre d'airs italiens de Teobaldo Gatti. Et l'année suivante avait vécu avec passion les répétitions et représentations de l'Europe galante de Campra. C'est d'ailleurs en ce même compositeur qui avait été choisi par la duchesse de La Ferté en janvier 1698 pour offrir à Paris un hommage croisé à Monseigneur et à sa demi-sœur. Ce fut Vénus fête galante, dont les vers de Danchet vantent les loisirs de la paix, annonciateurs du règne à venir, tout en faisant de Marianne un nouvel emblème de la grâce capable de détrôner la mère de l'amour. Marianne partageait ses goûts avec la frange la plus musicienne de la cour, groupée autour du dauphin, on l'a dit. Mais l'intérêt de la princesse pour l'art de Tertre est indissociable, je pense, de ce groupe de mélomanes. Au-delà des liens du sang et des individualités, une pratique et un apprentissage partagé auprès des meilleurs maîtres avaient sans doute favorisé l'éclosion de cette passion, à laquelle, on le sait, la princesse palatine, on l'a aussi cité ce matin, était restée sourde. L'exemple de l'Alceste de Lully, représenté chez la princesse Douairière les 9 et 16 janvier 1700, constitue un bel exemple de ce goût commun à la jeunesse de la cour pour l'art lyrique au tournant du siècle. Rien ne fut négligé par Marianne pour restituer l'œuvre de Lully et Quinault, sinon dans son intégralité, du moins dans toute sa beauté. La première représentation, initialement prévue le 5 janvier, fut remise au samedi suivant, donc le 9, en raison du retard pris dans l'installation des décors mobiles. Le marquis de Sourches évalue le coût de la construction du théâtre à 200 à 300 pistoles et celui de chacune des représentations à 2000 livres. Celles-ci se déroulèrent devant un parterre apparemment fort restreint et en l'absence du roi. Sourches souligne que ce spectacle, conçu expressément pour divertir Monseigneur le duc de Bourgogne, ne fut vu que de très peu de gens. Ce que confirme la Gazette d'Amsterdam dans sa livraison du 14 janvier en précisant que la représentation fixée la veille du jour des rois avait été prévue pour un petit nombre de personnes choisies. Dangeau note par ailleurs pour sa part qu'à la première, Monseigneur joua tout l'après-midi à Marly puis vient ici descendre chez la princesse de Conti à la ville où Monseigneur le duc de Bourgogne était déjà. Le marquis, en revanche, ne mentionne pas explicitement sa présence lors de la seconde représentation, qui ne retint pas non plus l'attention de la duchesse de Bourgogne, laquelle ce soir-là dansait au château. Si l'identité des spectateurs qui assistèrent aux représentations n'a pas été conservée, celle en revanche des acteurs du premier rang qui montèrent sur scène nous est connue. Cette liste avancée par Dangeau au début des répétitions, qui se dérouleront chez la princesse du 31 décembre au 4 janvier, est confirmée, à quelques nuances près par Sourches, au lendemain de la première. On retiendra les figures connues des trois fils de Monseigneur, qui faisaient là, du moins pour l'aîné, leur premier pas sur une scène en qualité de chanteur, le duc de Chartres, ainsi que les cousins de Marianne, Charles-François et Maximilien, respectivement marquis et chevalier de la Vallière. Adrien Maurice de Noailles, comte d'Ayen, était encore un jeune homme au mérite précoce qui avait épousé Françoise Charlotte d'Aubigné, la nièce de Madame de Maintenon. Au rang des figures féminines, on reconnaît encore la marquise de Châtillon, les marquises de Châtillon et de Villequier, amies de longue date de Marianne, ainsi que Mademoiselle de Sancé, dame d'honneur de la princesse. Notre connaissance du spectacle se limite malheureusement à ces seuls éléments, mais quelles qu'aient été les conditions d'exécution et le contenu artistique de cette Alceste, on peut estimer, après Maurice Barthélémy, que ces reprises permirent à la musique dramatique de connaître l'un de ses derniers fastes dans le Versailles de Louis XIV. Le cercle qui s'était alors constitué devait avoir d'autres occasions de se réunir, mais jamais pour rejouer une tragédie lyrique. Cédant à la mode du temps, les familiers de Marianne allaient manifester dans les premières années du siècle naissant un intérêt renouvelé pour le répertoire du motet. Dangeau rapporte par exemple le 8 octobre 1700 à Fontainebleau, retour de la chasse, Monseigneur donna à souper chez lui à quelques courtisans et puis fit répéter chez lui un nouveau motet, probablement de Bernier, et Madame, la princesse de Conti, était à cette répétition. L'accueil favorable réservé à cette pièce devait décider de son exécution à la messe du Dauphin le 21 du mois courant, puis les deux jours suivants à celle du roi où l'on fut à chaque fois satisfait. De par sa souplesse formelle et sorti de son contexte liturgique, le petit motet se prêtait aisément à l'apprentissage de l'accompagnement et de l'écriture musicale, et les mélomanes de la cour ne manquèrent pas de s'y adonner. Plusieurs témoignages les présentent en effet non plus en position d'éditeur, mais d'exécutant, voire même d'apprenti compositeur, sans doute soutenu par leur maître. Ainsi, le 2 mai 1700, avait-on répété dans l'appartement de Marianne à Marly un motet de la composition du duc de Chartres, qui fut chanté selon Dangeau par les mêmes gens que celui que le comte d'Ayen a fait à Meudon le mois précédent, et le marquis d'ajouter « on ne se jette plus que jamais dans le goût de la musique ». Le lendemain soir, l'œuvre du duc de Chartres fut chantée chez Madame de Maintenon, et Dangeau relève à ses propos une anecdote piquante. Le soir, on chanta chez Madame de Maintenon le motet qu'a fait le duc de Chartres, et Madame, la princesse de Conti, qui y chantait, voyant quelques courtisans qui étaient entrés, pria le roi de les faire sortir, disant qu'elle ne voulait pas chanter devant ceux à qui elle n'était pas accoutumée, et les courtisans sortirent. Cette réaction souligne le caractère intime de ces concerts entre soi, qui offrent peut-être à l'entourage des enfants du roi, l'entourage royal, une des rares occasions où le paraître n'est pas l'objet principal. Comme si, à travers la pratique de la musique, le désir de plaire, habituellement teinté de rivalité, se changeait ici en émulation. Et ces récréations particulières renvoient ainsi l'image peut-être illusoire d'une harmonie ou d'une certaine unité au sein de la descendance royale. 2 ans plus tard, lors du carnaval de 1702, c'est à l'art dramatique que Marianne réouvrit son théâtre. Les 22 janvier, 5 et 12 février, on joua sur cette scène l'Électre de Hilaire Bernard de Longepierre, pièce d'un genre particulier puisque ce fut la première tragédie classique à sujet profane dépourvue d'intrigues amoureuses. Contredisant le témoignage de l'abbé Ledieu selon lequel, devant le succès de la pièce à Versailles, il fut conclu qu'elle serait jouée sur le théâtre public, il fallut attendre le mois de février 1719 pour que la tragédie soit reprise sur la scène de la Comédie-Française, mais elle essuya à ce moment-là un échec retentissant. Comme pour les représentations d'Alceste, la princesse accueillit chez elle un public choisi. Et le Mercure Galant précise à cette occasion que la salle de l'hôtel de Conti ne contenait guère plus que 80 personnes. Les places y ont été fort rares et qui que ce soit n'y est entré sans être écrit auparavant sur le mémoire de Madame la princesse de Conti. Ce mémoire n'a malheureusement pas été retrouvé, nous ne connaissons pas la composition de l'assistance. Nous savons seulement grâce à Dangeau que toute la cour ait été, hormis le roi, qui ne voulut pas honorer ce spectacle de sa présence. On peut se demander à la suite de Jean-Philippe Gros-Perrin quelles furent les motivations de la princesse à accueillir ce spectacle chez elle. Sans doute le goût alors partagé tant à Versailles sous l'influence de Madame de Maintenon que dans les cours satellites pour les tragédies imitées de l'Antique y fut pour beaucoup. À en croire le Mercure, le choix de la pièce fut concerté entre le Dauphin et sa demi-sœur. Mais cédant à la mode, Marianne sembla vouloir également se démarquer du répertoire joué chez Madame de Maintenon au château, dans son cabinet, dans le petit théâtre, dressé dans son cabinet, où des artistes de qualité avaient joué des œuvres d'inspiration biblique, Athalie en février 1702, mais auparavant Jonas de Duché de Vancy en décembre 1999, Absalon du même Vancy en janvier-février 1702. Contrairement à ces tragédies, Électre de Longepierre semble n'avoir été donné que par des comédiens de métier. On y trouve Baron, le sieur Rosol, Mademoiselle Duclos, les deux premiers étant remontés sur scène pour l'occasion. Prenant le contre-pied des comédies de dévotion jouées chez Madame de Maintenon, Marianne affiche avec les lettres de Longepierre son soutien à un sujet profane orienté vers la recherche d'une couleur terrible, alors même que la scène française s'était tenue volontairement éloignée de la représentation du parricide. Mais comme l'a bien montré Karine Barbafieri, il convient sans doute de nuancer la place occupée par la frayeur tragique dans cette pièce inspirée du mythe de Sophocle. Loin d'être un simple manifeste de l'auteur en faveur d'une tragédie dans le goût des anciens, l'Électre de Longepierre apparaît comme une œuvre originale, je cite, à la pointe de l'esthétique 1700, à la pointe d'une modernité qui constituera bientôt à miser sur le pathétique tout en se vantant de supprimer l'épisode amoureux. Zélateur des Grecs, auprès des familiers du roi, Longepierre contribue avec d'autres auteurs devenus Jean de Versailles à l'édification d'une sorte de retrait aristocratique du grand goût, institué en signe d'excellence contemporaine auquel Marianne de Conti tint à prendre toute sa part. Un dessin réalisé à la pierre par François de Troyes nous permet de pénétrer dans son cabinet. Elle y est représentée assise dans un large fauteuil devant une bibliothèque dissimulée derrière des draperies. Cette esquisse préparatoire à un projet qui ne fut vraisemblablement jamais réalisé cherche à exalter autant la beauté que la curiosité intellectuelle du sujet. Elle rejoint le sentiment exprimé par Gatti dans sa dédicace de son livre de 1796, qu'il tenait pour la juste reconnaissance, par ses faibles moyens, du parfait discernement que la princesse avait sur tous les arts libéraux et particulièrement la musique. Nous connaissons le contenu de la bibliothèque de Marianne qu'à travers l'inventaire qui en fut dressé après son décès, très tardif, en 1739. Les titres consignés permettent toutefois de nous faire une idée de la physionomie de sa collection. Les ouvrages traitant de sujets théologiques et historiques qui représentent respectivement 38% et 20%, les belles lettres figurent en bonne place avec 32%. Le numéro 99 de l'inventaire retient notre attention, 16 volumes des paroles d'opéra ainsi que les divertissements de Sceaux qui renvoient à son goût profond pour la musique et qui l'accompagna jusqu'à la fin de sa vie. On ne s'étonnera pas de trouver, à côté de cette collection de livres, un certain nombre de partitions, 65 livres de musique figuraient dans sa bibliothèque. Les précisions relatives à la nature de ces volumes manuscrits ou imprimés sont intéressantes à relever. On souhaiterait que l'Alceste de Lully écrit à la main, figurant ici, ait quelques rapports avec les représentations de 1700, mais là ce sont naturellement que des hypothèses. Ces livres retrouvés donc après la mort de la princesse ne représentaient en réalité que les vestiges de sa bibliothèque musicale, puisque dans les dernières années de sa vie, on sait que Marianne offrait un grand nombre de ses volumes à son neveu, Louis César de la Baume-le-Blanc, le duc de la Vallière, le fabuleux bibliophile, qui dressa ce catalogue des opéras et des ballets, mais qui, en sa qualité de gouverneur du Bourbonnais, donna une partie des livres reçus par la princesse à la nouvelle Académie de Moulins. L'inventaire après décès révèle également la présence d'instruments chez Marianne, notamment un grand clavecin fait par Roecker sur un pied de bois doré et un autre plus petit. L'indication grand clavecin laisse supposer que la princesse possédait un clavecin flamand ravalé, et le facteur du second instrument qui n'est pas connu, plus petit, était peut-être un instrument lui-même flamand, mais ayant gardé son étendue d'origine. D'autres instruments furent retrouvés à Choisy, dans un garde-meuble situé d'après l'inventaire au-dessus de la basse-cour. On y trouve une guitare, une épinette, mais le clavecin de bois noirci sur un pied à gaine marqué fait par Bello à Paris et prisé avec son pupitre 120 livres, qui se trouvait dans le cabinet de Marianne au château de Choisy, devait avoir une toute autre valeur. Il pourrait s'agir d'un clavecin construit par Pierre Ier Bello, dit Bello le Père, dont un des instruments est conservé au musée de Chartres. Ces traces de la pratique de Marianne, recueillie au moment de sa mort, renvoie certainement plus aux dernières décennies du règne de Louis XIV qu'à la période qui suivit le décès de son père. Car après la mort de sa mère en 1710, suivie de celle de son demi-frère en 1711, puis de son père en 1715, Marianne s'était éloignée de la cour. Mais au moins jusqu'au printemps 1715, elle avait établi une sorte de concert régulier chez elle, en alternance avec les soirées musicales données chez Madame de Maintenon. Elle quitta Versailles seulement après le 1er décembre 1715, vendit son hôtel versaillais 4 ans plus tard, le 7 décembre 1719, pour une valeur de 100 000 billets de banque, à M. Dubosc, procureur général de la Cour des aides, enrichi dans les actions de la Banque de Lass et qui devait se comporter en spéculateur. Après son retrait, Marianne ne transforma pas son hôtel parisien ou sa retraite de Choisy en foyer artistique. Aucun témoignage n'atteste de l'usage des instruments retrouvés à Choisy. Marianne aurait peut-être été appelée à jouer un rôle différent si son demi-frère, le Grand Dauphin, avait accédé au trône. Dans l'attente qui se révéla vaine de ce règne nouveau, elle chercha à occuper une position non pas affranchie, mais quelque peu décentrée de l'orbite royale, en affichant notamment en matière artistique son penchant pour la modernité et l'italianisme, à contre-pied des goûts du roi vieillissant, avec lesquels elle ne rompit néanmoins jamais. Si elle n'imposa pas, à proprement parler, un modèle personnel, à l'image de celui de Philippe d'Orléans ou de la duchesse du Maine, elle trouva dans l'entourage de Monseigneur les conditions favorables à l'épanouissement ou à l'expression de ses passions. Et tout en contribuant à l'émergence d'une nouvelle sensibilité, elle parvint à établir une sorte de trait d'union entre une culture classique incarnée par la figure royale de son père et de nouvelles orientations esthétiques dont elle avait pu envisager un temps qu'elle s'épanouirait sous le règne de son demi-frère le Grand Dauphin. Le destin en décida autrement et Marianne préféra alors le retrait. Je vous remercie de votre attention.